Les chasseurs de nazis. Chapitre 5, les dessous de la traque. Troisième épisode. Le nazi de Damas est abonné à la revue de la société autrichienne de plantes médicinales qu'il reçoit par la poste. C'était un gros livre avec des illustrations. Quand il allait au parc Sepki, il comparait les plantes du jardin avec les dessins du bouquin et quand il en trouvait une qui convenait, il la coupait et la rapportait chez lui. En février 2017, la revue 21 publie un long reportage signé par Mathieu Palin et Eddie Awidge intitulé « Le nazi de Damas, enquête sur Alois Brunner ». Le garde conserve un souvenir précis des manies du nazi. Jamais de graisse, à peine une cuillère d'huile d'olive, il coupait les tomates en trois, comme l'ail, les courgettes et les oignons, plongeait le tout dans l'eau bouillante pendant 60 minutes, pas une de plus. Et jamais de sel dans la soupe, interdit le sel. Abou Yaman confirme, il trouvait cela répugnant. Tous les matins au réveil, il faisait le ménage, c'était son sport à lui. Ensuite, il prenait son petit déjeuner, du pain noir tartiné avec un peu de beurre et de la confiture d'abricot. Vers 10 heures, il s'habillait comme un émir. Abou Raad mime un homme qui enfile des lunettes de soleil, joint les mains dans le dos, se coiffe d'un chapeau et s'y flotte avant de se lancer dans une sorte de parade militaire. Après, il mettait son peignoir et faisait la cuisine. À midi, il mangeait et le soir, un verre de yaourt. C'est tout. Le journaliste Eddie Awidge, auteur principal de cette enquête, revient sur le parcours d'Alois Brunner. 1943, le propre père de Serge Klarsfeld est donc arrêté par Alois Brunner à Nice. Il est responsable de la solution finale dans le sud de la France. Et un petit peu plus tard, il va devenir le commandant du camp de Drancy, qui est destiné à concentrer et ensuite dispatcher les Juifs vers les camps de la mort. Alois Brunner, c'est un technicien. Mais c'est un personnage central, c'est vraiment lui qui fait marcher la machine Eichmann, si vous voulez. Eichmann a des sbires autour de lui, et Alois Brunner est, d'après ses propres phrases, le meilleur d'entre eux. Pour vous dire l'importance d'Alois Brunner, il est mentionné dans le livre de Raoul Nording, le consul de Norvège. Sauver Paris. Un des grands travaux du consul d'époque était d'échanger des prisonniers à Drancy, on est à la fin de la guerre. Et il raconte un moment où, quand il va à Drancy, vers la fin, il croise Alois Brunner qui s'échappe. Et il dit, il y a une phrase... Si Alois Brunner était resté à Drancy, on n'aurait pu sortir personne. Parce que là, on est au moment de la négociation, les nazis sont en train de reculer, et on s'approche de la fin de la guerre. Alois Brunner, il a envoyé des juifs jusqu'au dernier moment. Sa main n'a pas tremblé. Il est responsable non seulement de la déportation des juifs français, mais il est aussi responsable de la déportation de la majeure partie des juifs de Salonique. Et les juifs de Salonique, il a exterminé la population juive de Salonique. Il faut s'imaginer que c'était un tiers de la population. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de juifs en Salonique. Et là, bon, c'est la fin de la guerre. Donc le grand chaos de la fin de la guerre, il a de la chance. Il est mentionné au procès de Nuremberg. Le problème, c'est qu'il y a un Anton Brunner. Et cet Anton Brunner, je crois qu'il est arrêté, je crois qu'il est exécuté. Ils se disent, bon ben voilà, c'est bon, on a eu celui qu'on cherchait. Or, pas du tout. Donc là, on est en 45. Il faut s'imaginer, l'Europe est en ruine, des réfugiés partent dans tous les sens. Et lui, dans ce chaos, réussit à s'en sortir. C'est ce que les Américains ont appelé la rat line, voilà, la ligne des rats. Elle part du Vatican. Au Vatican, il y a des prêtres allemands qui aident les nazis à partir, il y a des prêtres allemands et puis il y a des prêtres croates aussi, qui sont très actifs dans la ligne des rats. Et cette ligne des rats a deux destinations, l'Amérique du Sud, qui a été largement documentée, et puis une destination qu'on connaît un petit peu moins, le Moyen-Orient. Et l'Égypte. Les premières années sont un petit peu compliquées à retracer, mais on sait qu'il part en Égypte. On est dans les années 60, il faut se remettre un petit peu aussi le contexte historique à ce moment-là. C'est le moment de la République arabe unie, c'est-à-dire que l'Égypte s'allie avec la Jordanie, enfin, c'est une union qui est mort-née, mais c'est aussi les prémices de la position de Hafez al-Assad. Hafez al-Assad s'oppose frontalement à Nasser pour l'Union arabe, il est bassiste, il est brièvement arrêté, et lorsqu'il rentre en Syrie, il fait un coup d'État, et il devient le chef de l'État. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, les nazis sont au Moyen-Orient, suivant le vieil adage, en fait, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc là, on est en guerre contre Israël, et il y a tout un groupe assez important d'ex-nazis qui sont en Égypte. Ils ont une position technique. C'est des gens... qui vont travailler dans l'armement, dans l'entraînement militaire. Mais c'est pas des personnages aussi importants qu'Aloïs Brunner. Et Aloïs Brunner, ensuite, part en Syrie. Il aide le régime à mettre en place son outil de répression. Il aide le régime à mettre en place un état policier sans commune mesure au Moyen-Orient. C'est le centre, la base du bassisme, et c'est le centre et la base de l'État syrien. Ce sont ses services de renseignement. C'est ça qui constitue l'ossature de ce pays. À tel point que lorsque la guerre civile ou la révolution éclate, les Mukhabarat, la structure n'a pas bougé. Elle a plié, mais elle n'a pas bougé. Et elle a continué inlassablement à faire ce qu'elle savait faire. C'est-à-dire arrêter les gens, les torturer. C'est cette machine qui a sauvé le régime de Damas. Donc lui, il aide ça. Alors attention, il aide pas à... Comme sa présence est secrète, elle est un petit peu... Enfin secrète, elle est en tout cas non reconnue. Il n'aide que le premier cercle. Le cercle autour de Hafez al-Assad, tous ces gens avec qui il a bâti et il a consolidé son pouvoir. On lui demande pourquoi Brunner a été protégé par Hafez al-Assad. Abu Raad balaie la question. Pour emmerder les Israéliens. On lui tend une cigarette. Il m'a raconté sa fuite de Berlin. À la sortie de la ville, il s'est fait arrêter par un soldat russe, anglais ou américain, peu importe. Pour passer le barrage, il lui a offert son paquet de cigarettes. Et le soldat l'a accepté. Après cela, il n'a plus jamais touché au tabac. Il détestait ce soldat qu'il avait laissé passer et répétait que le tabac est un traître. Le point de départ de cet article, c'est quoi ? C'est quand ? Le point de départ, c'est à Istanbul, en octobre 2017. J'entends parler de Georges Fischer. Et Georges Fischer, je sais que c'est le pseudonyme d'Aloïs Brunner. C'est pas quelqu'un qui est étranger pour moi. Je sais que Aloïs Brunner est un des nazis les plus recherchés. Et je sais qu'il est... Tout le monde sait qu'il... Enfin, en tout cas, je sais qu'il est à Damas. À partir de là, il faut aller vérifier. J'ai commencé l'enquête en octobre 2016. Donc je vais en Jordanie. Et là, je rencontre Abou Yaman, qui est le témoin. Et lui, Abou Yaman, il a été garde d'Aloïs Brunner à Damas. Il a effectué son service militaire au sein des services de renseignement, au sein des services de renseignement, ce qu'on appelle les Mukhabarat en Syrie. Il est au sein de la branche 300. La branche 300, c'est la branche qui est chargée de la sécurité des ambassades et du contre-espionnage. Lorsque je rencontre Abou Yaman me raconte le quotidien d'Aloïs Brunner, qu'il a gardé pendant son service militaire à partir de 89. Il me raconte comment est-ce qu'il a été amené dans cet immeuble, comment est-ce qu'il a rencontré ce vieux monsieur, et puis comment très vite... On lui dit, surtout ne pose aucune question. Si tu poses une question, c'est la mort assurée. Et petit à petit, il se rend compte que ce Georges Fischer, c'est Aloïs Brunner. Il a un autre surnom qui est le nom de code qu'il utilise dans la radio, c'est Abu Hussein. Garde Abu Hussein. Mais évidemment, lui, il est resté à la garde d'Aloïs Brunner un temps limité. Et on a d'autres questions, puisqu'il y a d'autres gens. Il est resté en Syrie quelques dizaines d'années, donc il y a d'autres témoins. Et à partir de la rencontre avec Abou Yaman, il se démène pour nous permettre de rencontrer les autres gardes. Enfin, on n'a pas rencontré tous les autres gardes, mais on en a rencontré en tout cas un. Et ensuite, on a eu un des problèmes qui s'est posé. Ça, c'était une des énigmes d'Aloïs Brunner, parce qu'en soi, qu'Aloïs Brunner soit à Damas, ça, tout le monde le savait. En revanche... Vous savez depuis quand ? On le savait depuis assez longtemps, puisqu'il y a eu plusieurs témoignages. Il y avait eu notamment le témoignage, et ça c'est le témoignage un petit peu phare qui relance un petit peu tout ça, c'est cet article de Bounté, qui a été publié en 85. À l'époque, il y a deux journalistes allemands qui se font passer pour des sympathisants nazis. Ils réussissent à rencontrer Aloïs Brunner, et alors, ils réussissent l'exploit surtout de quitter Damas. Parce que pour quelqu'un qui est aussi recherché, c'est quand même un exploit. Et là, ils partent à Tartous. Tartous qui est le fief alaouite du régime. Et il y a cette fameuse photo, où là on le voit avec ses doigts coupés, et ils le prennent en photo en fait avec une montre appareil photo. Et là voilà, là ça relance un petit peu la traque. À demain, pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.